si le vertige te prend encore dans la bourrasque qui surprend, dans le vasque précieux où l'or en fusion est lancé en cascade rebondissante.